J'ai un pistolet à eau rempli d'essence. Jumbo n'a plus de dents, j'ai Choura avec ses défenses. Si tu me connais pas, je me présente. Le mec qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui colle ta chatte flétrie au kidoki. J'ai un problème avec l'alcool, 1 kg dans le sang, je fais du baltrap dans ton école. Je suis une Monique à Tassiana et même ta mère sur mon popole. Je poignarde un prof avec un god, chez mes heures de col, go, gol. T'as trop fumé, tu fais collard, gol. Je pisse sur ton territoire, puis je le gouverne comme Arnold. Invite-moi à ta soirée, chicha. Si blanc, si c'est chiche, je transforme en soirée des puces lâches. De ta smériche, une pizza, ouvre le micro-ondes, t'y retrouves ton caniche. Lave mes paluches, 5 empreintes rouges sur ta gueule, capiche. Je t'ai vomi dessus, puis j'ai remis ma capuche. À Noël, j'ai fait la bouffe, puis j'ai dynamité la bouche.